Monster Star Productions. Tout commence à 24 novembre 94. On m'arrache le cordon ombilical sur le torse. Après avoir su que j'étais né avec un seul rein, que vivre l'autre con n'avait plus la putain de force. Mais à Mantin, jeudi à midi, sous un temps gris, brun devenu châtain, blanc de teint. Aujourd'hui j'ai grandi, beaucoup de choses que je cache sous des rires. Croyez-moi dans les problèmes, je suis le meilleur du pire. Alors je profite de ce son, tout simplement pour écrire ma vie en un pavé, pour vous dire tout ce que j'ai bavé. Tout commence à 4 ans, dès la maternelle. Premier amour, j'étais avec une italienne. Je l'aimais à la haine, accompagnée dans ses problèmes. Puis tout s'est fini, je ne sais pas pourquoi, faudrait que ça me revienne. Au début, j'avais un peu de mal à m'incruster. Je restais à côté des adultes en étant très frustré. Puis au bout de quelques semaines, un adulte m'interpelle. Va avec tes copains dans la cour, j'y cours avec la peur dans les veines. En primaire, je n'étais pas encore dans la phase rebelle. Dans la cour pour me motiver, je criais on the road again. Les profs me cherchaient pas, j'étais du genre à faire malin. Ils me touchaient l'épaule, je les suis avec ma main. Putain, j'ai des fois honte de ce que je vous dis. Ces secrets personne ne connaît, même mon meilleur ami. Je suis dans mon monde, mais c'est pas une maladie. Malgré ça je vis avec un bouton de QI. À 10 ans je saute la grille de l'école Sévigny. Sous des regards désabusés, certains pourront en témoigner. À 11 ans, du bras gauche, je me casse le poignet. Après une frappe d'un grand, j'ai souffert sans saigner, bien soigné. Après ça j'ai eu un plâtre. Bref, pas la peine de se couper les cheveux en 4. J'entre au collège ado avec mon sac à dos. Âge rebelle en étant tout crado, bouffant des mikados. Je me tape contre tout le monde juste pour frimer. J'écris des textes juste pour rimer. Et lorsque je vais les supprimer, au bahut j'étais déprimé. Et je ne savais comment l'exprimer. Asthmatique, allergique, des ordonnances imprimées, des comprimés, périmés, sans jamais réprimer. Je crimais. Mais la vie ne s'arrête pas là, je n'ai pas tous mes souvenirs. On dit que le meilleur est à venir, mais je me méfie de mon avenir. Un jour je devais passer à la radio, mes projets fus au WC. Mon père victime d'un AVC, j'étais blessé derrière le PC. Je ne savais même plus quoi penser, la douleur, les cris ne cessaient. J'attendais que ça passe, là c'est la journée saccassée. J'attendais embarrassé, à rêvasser, à tracasser. Le malheur m'a embrassé. Il est à l'hôpital pour se faire opérer du cœur, de la peur, de la douleur. Je priais le Seigneur, moi qui étais athée, des bulletins remplis d'athées. J'avais juré que s'il s'en sortait, à l'école j'allais gratter. Promesse tenue, 2 semaines de travaux, brevet j'ai obtenu. J'écris ce texte le jour même d'un moment tragique. Je me préparais pour tourner dans un clip, mais je tombe dans les pommes, victime d'une crise de colique néphrétique. Je sais pas qui m'en veut, mais tout se relie au rap. Je me tire les cheveux et puis je me les coupe en 4. Le Seigneur veut-il m'empêcher de chanter, pour m'envoyer un signe comme quoi je vais me planter. Tant pis, laissez-moi dans le ridicule. Alors c'est mon flow, plus du cul. Mes mots sont en or. Ce qui ne te tue pas ne te rend pas plus fort. Paralysé à vie, je crois que le proverbe a tort. Putain, c'est vrai que j'ai pas tout dit. J'écris ce texte en 1h30. Ils ont découvert un bouchon bleu dans mon oreille. Putain, pour le bonheur, je donnerai tout mon oseille. Malchance ou chance, de la chance dans la malchance. Je m'en fous de mourir, je veux laisser une trace dans la danse, dans la musique, dans les cœurs. Quand je vois ce monde qui pourrit, monte ça m'écœure. J'ai mûri, j'ai grandi. Malchance ou chance, rire ou pleure. Je raccroche ma vie sur ce son, j'aurais pu l'appeler Twitter. Si la vie est un test, je prépare des enquêtes. Car on est tous propres rois des leçons. Partageons notre savoir, ensemble nous réussirons. Nous réussirons. Nous réussirons. Nous réussirons. Nous réussirons. Nous réussirons. Nous réussirons. Nous réussirons. Je suis beaucoup bagarré, dans la vie j'étais mal barré. Pas carré, un peu taré, mais paré pour que ta route soit barrée. À quoi serviraient mes mains si je ne saurais pas écrire, ni pleurer. Essuyer mes larmes avec je pourrais me laver. Lorsque mon chat était coincé derrière mon volet, on craignait le pire, on s'affolait. Plus de mal que de peur, ça on l'a pas volé. Heureusement, parfois la malchance nous amène à la chance. sinon je serais mort depuis ma naissance. On jouait au jeu avec des manettes qui ne fonctionnaient pas, tellement la dalle de jouer qu'on jouait à tour de rôle. Crois-moi, j'ai déjà fait un voyage dans le coffre d'une voiture. Je sais pas si je suis claustrophobe, mais l'enfermement me torture. Mon but dans la vie, être comédien, musicien. Je sais pas ce qu'elle me réserve la vie, mais je suis sûr de rien. Viens chérie, sois la femme de ma vie, reste en digne. Et je te sortirai des Yvelines. Je veux une belle vie de famille comme tout le monde. Si t'es une assassine et que je suis le crime, pourquoi tu veux qu'on féconde, hein? Pourquoi? Souvent seul dans ma chambre, je passe mes journées à rien foutre. C'est vrai que je cherche des gens pour se faire des parties de foot. Mais bon, c'est pas ça qui va me ravir. Je veux ce que je rêve tous les soirs, pour bordel de merde. Et bien vivre, je veux jouer dans des films, avoir des fils et des filles, une belle famille. Le rêve, le soi-disant le plus intime. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Donnez-moi de l'argent et je vous jure que je crie plus. Par moments j'oublie de remercier papa et maman d'avoir tout donné pour moi. Je vous dois des tonnes de remerciements, je ferai pas derrière un micro. Je trouve ça lâche, je ferai un jour lorsque j'en aurai le courage. À quoi bon sert de dire que je vous aime si vous-même vous le savez? Si dans la fierté et le bonheur je vous amène, c'est ce que je voulais. Transportation de mes pensées, de mon passé sur ce son. J'ai l'âge de la raison, le pardon et je le sens. Personne n'est chef dans ce monde. On fait ce que l'on veut, si l'on veut. Aujourd'hui j'ai 18 ans. J'ai encore beaucoup à apprendre. Je termine le chapitre. Je ne suis plus mineur. La vie commence. Ma chance aux chances. Crise d'adolescence.